Chapitre 3e, le violon abandonné. La réflexion avait eu si peu de part à l'action de Baptiste qu'il ne sentit d'abord que le plaisir de se voir emporter au galop de si bons chevaux. Puis à ce plaisir succéda bientôt la peur. Assis sur le marchepied, cramponné des deux mains aux deux montants en bois doré qui protègent ordinairement les laquais en les empêchant de vaciller à droite ou à gauche, le cahotement du carrosse menaçait à chaque instant de le jeter par terre. Or, tout ce qu'il pouvait faire, la seule chose à laquelle le danger qu'il courait lui permit de songer, était de tâcher de se maintenir ferme au poste périlleux qu'il avait choisi. Cette occupation constante éloigna le sommeil de ses paupières. Toutefois, car on finit par s'habituer à tout, même à un péril constant, lorsqu'il vit enfin que malgré sa peur il ne tombait pas, et que le premier étourdissement passé, la place était encore assez tenable, Baptiste vint à se rappeler ce qu'il avait laissé à Florence. Son cœur se serra, et ses larmes coulèrent. Et cependant, ce n'était point une mère tendre et indulgente, ce n'était point son père, puisque le pauvre petit était orphelin. Ce n'était pas même un ami de son âge, encore moins une hôtesse hospitalière, puisque l'orphelin couchait toujours où il se trouvait, au premier gîte venu à la Belle Étoile bien souvent. Mais écoutons les plaintes à voix basse de cet enfant, et vous saurez, mes jeunes lecteurs, ce que le pauvre enfant pleurait. « Mon violon, mon seul ami, disait-il entre chaque sanglot, comment ai-je fait pour te laisser, pour t'abandonner tout seul dans une auberge ouverte à tout venant, et où le pied du premier drôle qui passera t'écrasera peut-être, ou te rejettera, qui sait, avec mépris. Oh, mon violon, mon doux violon, le seul être qui me répondit avec amour quand je l'interrogeais, le seul être qu'eut pour moi une voix qui me rappelait la voix de ma mère, où et comment te retrouverai-je à mon retour à Florence? Car mon violon n'était pas un violon ordinaire. Ce n'était pas un objet inanimé, comme me disait la vieille Barbarina qui me logeait quelquefois. Mon violon était un ami, un camarade, un consolateur. Dans la journée, quand je n'avais rien mangé, je savais tirer de lui des plaintes qui attendrissaient les passants. Si j'étais gai, ses accords devenaient aussi gais que mon âme. En écoutant mon violon, chacun pouvait se dire « Le petit Baptiste a faim » ou « Le petit Baptiste est triste ». « Le petit Baptiste a fait une bonne journée aujourd'hui » ou « Le petit Baptiste ne sait où aller coucher ce soir. » Hélas, je sais bien qu'avec l'or que l'excellence française m'a donné, je pourrais acheter un violon, deux violons, peut-être trois violons. Mais d'abord, cet or ne m'appartient pas, et puis ce ne serait pas mon violon à moi. Le violon que m'avait laissé mon père, le violon si souple, si complaisant, si obéissant à mon archet, que la plupart du temps, je crois, Dieu me pardonne, les notes en sortaient avant que l'archet se posât sur les cordes. Oh mon Dieu! Que sera devenu mon violon, et dans quel état le retrouverai-je à mon retour à Florence? Butor que je suis! J'avais bien besoin de quitter mon violon pour courir après ce seigneur, et lui rendre son argent, dont il ne se soucie peut-être guère. Il est vrai qu'une pièce d'or, c'est si beau, mais mon violon, ça valait bien mieux encore. Je donnerais toutes les pièces d'or du monde pour lui, pour l'avoir là, dans ce moment, sur mon bras. Oh non! C'est fini. On ne peut pas plus me rendre mon violon qu'on ne peut me rendre mon pauvre père et ma chère maman. Et moi, je me connais. C'est impossible. Je ne saurais pas plus jouer sur un violon étranger que je ne saurais appeler mon père un étranger, que je ne pourrais dire ma mère à une étrangère. Ah, j'ai perdu mon violon, j'ai tout perdu. Il en était là de ses plaintes et de ses larmes lorsqu'un choc qu'il éprouva le jeta rudement à terre où il resta comme étourdi. Qu'est-ce donc, versons-nous ? Cria la voix endormie du prince. « Non, monseigneur, c'est l'essieu qui vient de casser, » répondit le postillon. « Mais nous sommes près d'un petit village, et si monseigneur veut le permettre, je vais dételer un cheval et aller à Franquetrier réveiller le charron que je connais, et qu'il se fera un plaisir de venir accommoder la chaise de poste de monseigneur. « Allez donc sans tant de verbiage, » répondit le duc de Guise, impatienté. Pendant ce colloque, Baptiste était relevé. Et après s'être tâté et s'être assuré qu'il n'avait rien de cassé, il essaya de reconnaître l'endroit où il se trouvait. Mais bien que l'obscurité ne le lui permît pas, il pensa qu'il n'en aurait pas su davantage en plein jour puisque jamais il n'était venu jusque-là. « N'importe, » disait-il dans son ignorance du chemin que les chevaux peuvent parcourir en 6 heures. « N'importe, nous ne devons pas être bien loin et je saurais bien revenir à Florence tout seul. » « Voilà une bonne occasion, je crois, pendant que le carrosse n'enroule pas, pour m'approcher de la portière. » Et les rendre au prince son louis d'or, puis après j'irai retrouver mon violon, mon pauvre violon. Oh, Notre-Dame de bon secours, faites que je le retrouve entier. Enchanté de cette décision, Baptiste marcha hardiment vers la portière. Mais des voix grondeuses qui provenaient de l'intérieur et de l'extérieur du carrosse lui ôtèrent le courage de parler. Le prince grondait ses gens de ce qu'ils n'avaient pas examiné le carrosse avant de partir. Les gens s'excusaient en rejetant le blâme les uns sur les autres. C'était un conflit de menaces et d'excuses au milieu duquel il aurait été très maladroit à Baptiste de venir se jeter. La crainte fit sur l'enfant ce que les convenances auraient fait sur une personne raisonnable. Il se tint à l'écart, attendant le moment favorable. Sur ces entrefaites, des torches brillèrent au loin dans la campagne, et bientôt quelques personnes parurent, parmi lesquelles une, entre autres, portait tout ce qu'il fallait pour réparer l'accident arrivé. On se mit à l'œuvre. Et comme l'espérance de repartir bientôt avait calmé tous les esprits, Baptiste se rapprocha une seconde fois du prince, dont la tête se montrait à une glace baissée du carrosse. « Excellence !» se hasarda-t-il à dire d'une voix tremblante. Et il allait continuer son discours improvisé, lorsque le duc de Guise, l'avisant et ne le reconnaissant pas, lui jeta une pièce de monnaie en criant à ses gens « Chassez donc ce petit mendiant et en route !» Car en ce moment, la voiture était raccommodée et le postillon remontait sur son cheval. « Mendiant ?» dit Baptiste. « Oh non, je ne suis pas un mendiant. Et je le lui prouverai » continua-t-il, ramassant l'argent et courant après le carrosse qui venait de repartir.